un podcast studio dilettante. Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander? Possible. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Oh, c'est super cool! J'ai envie de faire une partie! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la sixième saison de Ludologie. On est environ dans la centaine d'épisodes, je ne les ai pas comptés mais je vous laisserai le faire et puis vous nous direz dans les commentaires. C'est Emmanuel qui est au micro. Aujourd'hui, je vais mener une interview avec Célène. Pour ce début de saison, nous rencontrons une créatrice de jeux, alors dans un domaine qu'on avait déjà un petit peu exploré il y a quelques saisons, quand on avait rencontré Fibre Tigre avec Adrien. Nous rencontrons aujourd'hui Clémence Guédan. Clémence Guédan a été directrice d'Epsilon Escape. Elle est désormais conceptrice indépendante d'Escape Game et d'expérience ludique. Elle est médiatrice ludique. Elle a aussi un bagage journalistique et donc elle a été amenée à interviewer des gens dans d'autres cadres et puis elle a participé à un certain nombre de conférences. Aujourd'hui on l'invite sur un sujet qu'on n'a pas encore traité jusqu'ici dans l'udologie, un sujet que sont les biais cognitifs. Alors on va détailler un peu plus précisément ce que c'est et comment ça peut être utilisé et comment ça peut ne pas être utilisé aussi dans le cadre de la conception de jeux. Bonjour Célène. Bonjour. Et puis bonjour Clémence. Bonjour Célène, bonjour Manuel. Est-ce que tu peux nous donner, peut-être te présenter peut-être un peu plus en détail, parce que moi j'ai fait ça vraiment très très en surface. Alors, donc je m'appelle Clémence Guédan, je suis, comme tu l'as dit aujourd'hui, game designeuse et médiatrice ludique, c'est-à-dire que j'utilise le jeu comme support, comme médium, pour sensibiliser, pour raconter des histoires, pour... former, pour, voilà, pour dire des choses, communiquer. Et puis la conception de jeu. Avant ça, pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé au sein d'un escape game parisien qui s'appelle Epsilon Escape. J'ai conçu et fabriqué le décor et la scénographie de leur scénario Le Patient de la Chambre 8. Et puis à partir de l'ouverture, j'ai géré le centre. Donc là, on était plutôt sur un poste avec du management, de la logistique, hein, faire tourner une entreprise en fait, qui reçoit du public, et puis de la conception de jeux, notamment pour répondre à pas mal de demandes qu'on a eues de la part d'entreprises. On avait un public très axé entreprise, corporate, qui venait faire du team building. On a eu des demandes aussi de conception d'expériences éphémères pour la sortie d'un film, par exemple. La sortie du film Glass, où on a travaillé main dans la main avec Disney pour créer une expérience vraiment sur mesure, qui a été jouée pendant 3 jours par des influenceurs venus de toute l'Europe. Donc ça, c'était une très belle expérience. On a fait un escape game éphémère pour la sortie d'un parfum aussi. Voilà, enfin, tout un tas de demandes plutôt de cet ordre-là. Aujourd'hui, je travaille avec un public très varié, puisque ça peut être aussi bien public institutionnel, des établissements scolaires, avec le côté jeu et pédagogie. Ça peut être du jeu pur, entre guillemets, des salles d'escape game des centres d'escape game qui me contactent pour concevoir de nouveaux scénarios. Et puis, ça peut être aussi des musées, par exemple, qui veulent mettre en valeur une exposition ou une nouvelle collection. Et puis, toujours des entreprises qui souhaitent, par exemple, exemple comme ça, une entreprise qui va vouloir sensibiliser toutes leurs nouvelles recrues à la sécurité, à la cybersécurité. Ou alors renforcer les liens entre les équipes, briser la glace au sein d'une équipe nouvellement constituée. Enfin, il y a mille et une raisons de faire jouer les gens. Et il y a beaucoup, beaucoup de demandes différentes finalement. Donc c'est vrai que c'est intéressant, très varié. J'écris également des livres-jeux. Il y en a déjà 5 qui sont parus chez Mango. C'est la collection Escape Game. Il y a plusieurs auteurs qui travaillent dessus. Notamment, il y en a un qui a été écrit... les derniers sorties par Alexis Morose aussi, qui est un des noms connus dans le secteur. Voilà, deux nouveaux livres Escape Game Junior, cette fois à paraître en janvier prochain. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ton parcours ludique, du coup, il est très centré sur l'escape. Comment est-ce qu'on passe du journalisme à l'escape game ? Alors, c'est vrai que là, j'ai parlé uniquement de la partie escape. Avant ça, j'étais journaliste pendant 5 ans, journaliste scientifique et journaliste art news aussi, spécialisée en radio. Donc, je suis très contente de retrouver un micro. Je suis passée de ce milieu-là au monde du jeu, un peu par hasard. Pour dire les choses très, très honnêtement, avec beaucoup de transparence, j'étais journaliste en radio pendant 5 ans. Et c'est compliqué de gagner sa vie en étant journaliste radio à Paris, avec des horaires complètement décalés quand on travaille en matinale, donc on est debout à 4h30 du matin tous les jours. J'ai fait beaucoup de flash info à l'époque. Et donc, c'est vrai que le cumul de horaires pas compatibles avec une vie sociale, un salaire au niveau du SMIC et une mission, le côté hard news qui, au bout d'un moment, est un très bon exercice de synthèse, mais peut s'avérer pesant. Et puis, disons que moi, je préfère le journalisme de terrain, où je peux creuser les sujets. Là, j'avais quelques petites frustrations. Donc, j'ai essayé de trouver des médias pour changer un petit peu... au moins le contenu de ce que je faisais. J'ai pas trouvé quelque chose un médium qui cochait suffisamment de cases. J'ai eu l'opportunité de rejoindre ce projet d'escape game qui se montait à Paris. Il se trouve qu'en fait les deux patrons d'Epsilon, on se connaissait avant, et ils savaient que moi, dans une autre vie, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé sur des chantiers. Il voulait quelqu'un qui soit capable de faire des travaux, de les accompagner vraiment sur toute cette partie conception, fabrication du décor en amont, et puis qui puisse prendre les rênes du lieu une fois le lieu ouvert. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, la radio, le journalisme, le micro, on verra plus tard. J'y retournerai un jour, mais en attendant... En attendant, on va aller explorer un petit peu des nouvelles pistes. C'est un domaine qui m'intéressait, que j'ai découvert aussi au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Donc le game design et le ludique en général sont un peu venus par opportunité, finalement, si je comprends bien. C'est venu par opportunité, par intérêt. Ouais. Et puis, c'était l'occasion de... finalement, c'était une autre façon aussi de raconter des histoires. D'accord. Ah oui, bah oui, logique. Si on t'invite aujourd'hui, alors c'est pas spécifiquement pour parler d'escape game, même si je ne doute pas qu'on va y passer. Moi, je t'ai vu intervenir dans le cadre d'un événement Rennais qui s'appelle les 360 possibles il y a quelques mois sur la question des biais cognitifs, te sachant conceptrice de jeu par ailleurs. Je me suis dit qu'il y avait des choses à creuser là-dedans. Toi, comment tu t'es retrouvée à participer à une conférence qui parle de biais cognitifs ? Alors, si on remonte à encore avant mon passé de journaliste, non, encore une autre vie, j'ai fait des études de psychologie et de neuropsychologie. J'ai un master 1 en neuropsychologie. Et les biais cognitifs, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Il y a d'excellents ouvrages de Jules Beauvois qui en parlent. Ça, c'est le moment de noter les références. Il y a le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Qui a un excellent ouvrage de vulgarisation sur le sujet, qui prend des exemples très concrets et qui explique comment on se fait manipuler au quotidien et comment contrer ça. Et puis la suite de ce livre, deuxième ouvrage qui s'appelle « La soumission librement consentie », qui est moins connu, mais qui est une bonne actualisation du premier livre. Voilà, donc ça, c'est des pans de... c'est des choses moi, qu'on m'a enseigné à l'époque en psychologie sociale et qui effectivement se retrouvent dans notre quotidien. Et donc la fameuse conférence qu'on a donnée, donc on était trois sur scène aux 360 possibles à Rennes, s'appelait Arrêtez de vous faire biaiser. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière tous ces petits biais qui nous influencent au quotidien sans qu'on s'en rende forcément compte. Ça m'amène à une autre question. Maintenant qu'on sait qu'en plus, tu as étudié ça en plus dans les domaines académiques, et avec une expérience de terrain. Est-ce que tu peux nous détailler ce que c'est pour toi, et après peut-être avec la définition académique si tu le souhaites, mais qu'un biais cognitif, qu'est-ce que tu entends derrière cette expression ? Parce que j'ai l'impression qu'on peut y mettre quand même tout un tas de choses. Alors, donner une définition académique, je ne sais pas si je vais m'y risquer. Mais un biais cognitif, si on résume ça en quelques mots, on va dire que c'est une distorsion de notre perception qui va avoir une influence sur notre jugement et, a fortiori, sur nos actions et sur nos décisions. Alors moi, je suis un peu bête et basé. Qu'est-ce que tu peux me donner un exemple ? Alors, un exemple de biais cognitif. Alors, le truc, c'est qu'il y a une liste qui est longue comme le bras, si tu cherches. Ok, plusieurs exemples. Plusieurs exemples. Il y a des biais tout simples. Si on te donne une liste de mots à retenir, là, c'est un biais qui s'applique à la mémoire. Si on te donne une liste de mots à retenir, tu retiendras toujours les premiers mots de cette liste. Ça s'appelle l'effet de récence. L'effet de primauté, pardon. Autre effet de la mémoire, on va avoir tendance aussi à retenir les toutes dernières phrases d'un discours. Ce qu'il y a au milieu, en général, ça passe un petit peu à la trappe. Et là, on peut parler d'application directe. Justement, à l'époque où je travaillais dans le centre d'escape game que je dirigeais, il y avait tout un déroulé de fin de partie que les game masters devaient suivre auprès des joueurs. Donc une fois que la session de jeu était finie, on fait le débrief avec eux, on prend la photo souvenir, etc. Et la toute dernière chose que les game masters devaient dire aux joueurs, c'était bon, si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur TripAdvisor. Sur TripAdvisor, sur Internet, parce que c'est vrai que c'est un secteur dans lequel les retours, les commentaires des joueurs sont extrêmement importants. C'est ça qui fait que ça conduit à plus de réservations. Et vraiment, on s'est rendu compte que si on sollicitait les joueurs dans ce sens-là, juste après qu'ils soient sortis de la salle, ou alors qu'on rediscutait avec eux d'autres choses après, très souvent, derrière, on n'avait pas de retour. Quand c'est la dernière chose qu'ils entendent avant de partir, juste après ça, c'est « on espère vous revoir une autre fois, merci, à bientôt », la chance d'avoir des commentaires était tout à fait augmentée. Là, c'est un biais qui est utilisé à des fins commerciales. Très clairement, ça peut être utilisé dans plein de cas aussi, hein, qu'un professeur termine un cours en insistant sur un point particulier, il y a des chances que les élèves le retiennent. Et est-ce que tu dirais que dans ta pratique de game design en particulier, donc au-delà de la pratique marketing, mais dans ta pratique de game design, est-ce que tu estimerais que ces biais cognitifs, ils seraient au cœur de ta pratique, ou est-ce que tu estimerais que c'est quelque chose qui vient en complément, qui vient s'ajouter ? Comment tu jaugerais cette implication-là ? Alors, je pense pas qu'il soit au cœur de ma pratique, mais c'est vrai que on s'en sert. On s'en sert soit pour guider les joueurs, sans passer par de l'écrit et des instructions justement données de manière formelle, soit on s'en sert au contraire pour les distraire et pour par exemple créer des fausses pistes, ou en tout cas pour détourner leur attention. Et faire en sorte que la solution ne saute pas aux yeux de prime abord. Bah oui, j'imagine que notamment tout ce qui est élément mémoriel, par exemple, enfin tout ce qui touche à la mémorisation, ça peut être des choses qui s'utilisent, ou une fois qu'on a compris ces problématiques-là, on sait qu'on va pas donner une liste de 8 items parce qu'en fait on aura perdu les gens au bout des 3 premiers, ou alors intentionnellement mettre certains éléments en fin de liste en se disant quand ils vont les voir, ils vont resituer d'où ça vient, mais il y a peu de chances qu'ils les aient retenus dans l'intervalle. Je présume qu'il y a ce genre de réflexion. Alors, c'est vrai que, de manière générale, dans les escape games, on fait rarement appel à la mémoire des joueurs, parce que c'est tellement intense que on peut pas s'attendre à ce qu'ils retiennent. J'avais peur, je pensais que t'allais dire parce qu'ils sont bêtes. Non, ils sont pas bêtes. Non, ils sont pas bêtes, mais c'est un contexte dans lequel retenir les choses sur le moment, c'est quand même extrêmement compliqué. Déjà, retenir le fait qu'ils ont récolté tel ou tel objet et qu'ils s'en sont pas encore servis, c'est pas toujours évident. Donc, il faut leur faire retenir des listes de mots. On n'y pense pas. En revanche, on fait appel à un autre biais qui est très intéressant et dont je ne me rappelle plus le nom, mais je peux le retrouver. C'est quoi le principe général ? Le principe général de ce biais-là, c'est un espèce d'effet de saillance, en fait. Si on vous donne une liste de mots et qu'il y en a un qui apparaît d'une autre couleur dans cette liste, même si on ne vous demande pas de retenir ce mot-là spécifiquement, vous allez vous en souvenir. Parce qu'il ressort par rapport aux autres. D'accord. Là, c'est la même chose. On souhaite mettre un élément en valeur dans le jeu qui doit attirer, retenir l'attention des joueurs. Il faut qu'il se démarque des autres d'une manière ou d'une autre. Oui, si tu mets une pièce toute rouge avec juste une clé jaune à un endroit, il y a des chances que les gens la repèrent très rapidement. Une espèce de truc de différenciation. Voilà. Par exemple, au-delà de la mémoire, je pense à un type d'énigme qui est très connu, donc là je ne spoil rien ni personne, mais très souvent on voit un mot, par exemple un mot-clé ou un code qui est caché au sein d'un texte, et en fait certaines lettres du texte vont apparaître soit d'une autre couleur, soit soulignées, et si on prend compte que ces lettres-là, on voit qu'il y a un message qui se forme. Ça, c'est un des codes de l'escape, c'est un type d'énigme qu'on retrouve de façon très très régulière. Et en fait, c'est tellement connu et reconnu qu'aujourd'hui, dans certaines salles, on s'en sert pour jouer avec les participants et participantes. Je me suis retrouvée dans une salle où j'ai passé 30 secondes, une minute à décoder comme ça, en regardant les lettres rouges sur un texte qui était très très long, pour à la fin avoir la phrase « Ah, tu as bien perdu ton temps, bravo !» Et ça, tous ces biais cognitifs que tu nous détailles et son utilisation dans le game design des escapes, ça me fait beaucoup penser à un autre domaine. Je ne m'imaginais pas que j'allais parler de ça, mais la prestidigitation. J'ai l'impression que par le détournement de l'attention, par le jeu comme ça avec des biais, dans un cas c'est des spectateurs, spectatrices du public, mais dans ce cas-là c'est des joueurs et des joueuses. On arrive à leur jouer des tours. Est-ce qu'il y a des ponts qui existent, alors peut-être académique, mais peut-être dans la pratique et dans les biais utilisés entre la discipline des tours de magie et celle des escapes. Alors moi, je pratique pas du tout la magie, donc je vais pas me risquer à... Enfin, je pourrais pas faire de comparaison formelle entre ces deux secteurs, mais effectivement, simplement le côté regarder ce que fait ma main droite pour ne pas prêter attention à ce que fait ma main gauche, et pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les escapes, qu'on retrouve même de plus en plus, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelques années, il y a 5-6 ans, quand les premiers escapes ont ouvert, on est sur des types d'énigmes, de narration, une façon de faire qui était très linéaire, et on n'était pas dans le spectacle. On ne cherchait pas à faire vivre... On faisait vivre des choses nouvelles aux joueurs et aux joueuses, mais on n'était pas dans l'immersion. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus à la recherche de cet effet « waouh » du côté. On fait vivre une expérience complète. On voit de plus en plus d'escape game avec des comédiens ou des comédiennes dedans qui vont avoir le rôle de game master, mais qui vont incarner un personnage aussi, et qui vont tout à fait pouvoir servir ça et soit détourner l'attention du joueur ou de la joueuse, soit au contraire attirer son attention vers un élément à côté duquel on serait passé. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des humaines dans la salle, c'est très intéressant et ça permet de développer des mécaniques de jeu encore différentes d'espaces de jeu où il n'y a aucune personne humaine présente. Pour prolonger un peu ce que disait Céline, je me demandais s'il commençait pas à y avoir des game designers qui travaillent justement avec des prestidigitateurs ou avec des mentalistes, parce que pour le coup, en termes de la manipulation du public, on va revenir sur ce mot-là, qui n'est pas neutre, mais en termes de manipulation pour emmener sur des histoires et surprendre les gens aux dépens d'eux-mêmes, tu parlais d'effet waouh, il me semble qu'effectivement, le fait de trouver des informations liées aux gens qu'ils ne pensaient pas avoir données ou de les amener à des comportements qu'ils ne penseraient pas, qu'ils n'auraient pas pensé avoir d'eux-mêmes. C'est des choses qui peuvent être intéressantes en termes d'exploitation et qui ne se font pas que, effectivement, avec, alors je vais caricaturer, mais qui ne se font pas que avec des cadenas et des pièces cachées, quoi. Pour le coup, il y a d'autres choses qui peuvent se créer, que ce soit avec des comédiens ou, dès la conception, faire intervenir des spécialistes justement de ces biais et de comment ça va pouvoir emmener des nouvelles mécaniques de jeu quasiment. Comment ça se passe? Il y a des choses qui bougent là-dedans dans le domaine de l'escape? Alors, à ma connaissance, c'est pas encore un filon qui a été exploité, mais je pense que à l'avenir, il y a des choses qui pourraient être creusées de ce côté-là très clairement. Finalement, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant dans les scénarios de certains escapes, pas tous, hein, mais certains, c'est qu'on cherche à sortir du script attendu, parce que il y a 5 ans, personne savait ce que c'était un escape game, mais beaucoup de gens arrivaient et ne savaient même pas ce qu'ils allaient faire dans la salle. Aujourd'hui, on a, pour la plupart, un script à peu près connu de comment ça se déroule. Et ce qui est intéressant, là où les biais peuvent intervenir, c'est justement de casser ce script-là. C'est par exemple, imaginons recevoir des joueurs dans un espace d'attente, les laisser attendre, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait personne ne viendra et que le jeu a déjà commencé. On casse le script et tout de suite ça donne une dimension différente et une épaisseur intéressante à l'expérience. Ça peut être aussi sur un script très classique, je dois m'introduire quelque part par effraction avec mon équipe pour cambrioler quelque chose. Tout se déroule selon le plan. Moi, mon game master m'a donné une mission au début, et puis arrivé aux 3/4 du jeu, une sirène d'alarme se déclenche et en fait, non, les plans changent complètement. La fin, c'est plus du tout ce à quoi on s'attendait. Et là, il faut réagir à l'effet de surprise. On a joué sur le biais attendu de... Le script va se dérouler de telle façon, on est un peu en pilote automatique et finalement, non. Et je crois que c'est quelque chose d'intéressant à creuser parce que les joueurs, ils veulent être surpris. Et si on va participer à un escape game, même si on ne connaît pas le contenu des énigmes, mais on sait déjà comment ça va se dérouler, au bout d'un moment, c'est comme aller voir un film dont on connaît la fin. Ça peut être sympa, mais avoir une expérience vraiment nouvelle et avoir des surprises, c'est toujours mieux. C'est amusant parce que dans la façon dont tu nous décris l'exploitation des biais cognitifs, pour faire un pont avec d'autres supports ludiques, le jeu vidéo notamment... mais aussi les jeux de rôle grandeur nature ou le jeu de rôle, j'ai l'impression finalement que c'est déjà utilisé dans ces différents supports depuis un bon moment. Le principe de la fausse fin, le principe de la prestidigitation dans le scénario, etc., ou dans les mécaniques. Est-ce que toi, tu imaginerais dans ta pratique professionnelle et dans ta vision du game design de pouvoir pratiquer le game design sans utiliser de biais cognitifs? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble, ou alors est-ce que ce serait... peut-être pauvre ou quelque chose comme tu dis, juste faire des films dont tout le monde connaît déjà la fin. Alors, je pense d'une part que aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, aucun game designer d'escape ne se sert des biais cognitifs à dessein. C'est pas quelque chose qu'on fait consciemment et de façon volontaire. Après, vouloir exclure ça complètement de la conception, je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que finalement, se servir des biais, on n'est pas obligé d'appeler ça biais d'ailleurs, c'est en fait se servir de la façon dont le cerveau humain fonctionne et la façon dont on va porter notre attention, parce que c'est ces biais-là principalement qu'on utilise dans l'escape, la façon dont on va porter notre attention sur telle ou telle chose, ça peut être vraiment un facteur d'amélioration de l'expérience. Donc, pourquoi s'en priver? C'est pas au détriment des joueurs. C'est pour que, justement, l'expérience soit plus forte pour eux. Je pense aussi à il y en a de plus en plus qu'on voit, des jeux dans lesquels il faut faire des choix. Il y a certains escapes qui n'ont pas tous la même fin. Enfin, qui propose des fins différentes avec des choix moraux, et donc là on rentre dans une dynamique aussi qui est différente et qui est beaucoup plus intéressante que du jeu linéaire pur et classique. Alors, on va virer un peu du côté obscur de la force. Il faut bien un moment. Pour rester dans le domaine du jeu vidéo qu'évoquait Célène, un certain nombre d'entreprises qui font des jeux, notamment des free-to-play et d'assez grosses boîtes, ont fait bosser des psychologues pour optimiser la rentabilité en affinant des game design de façon à favoriser le fait que des gens aillent dépenser de l'argent dans des jeux qui a priori sont gratuits. J'ai l'impression qu'on est un peu dans les mêmes domaines et potentiellement dans les mêmes approches de comment on travaille avec le cerveau des gens. Est-ce que je dis une bêtise ? Non, effectivement, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Est-ce qu'on peut... tout ce qui se rapproche du... Je vais mettre des très gros guillemets parce que j'aime pas le terme, mais neuromarketing. Voilà, et là effectivement, c'est se servir des mêmes mécanismes d'attention, parfois d'addiction, de susciter une addiction chez les joueurs pour simplement maximiser les profits derrière. Bon, bah ça, oui, il y a des psychologues qui travaillent là-dessus. Par rapport au monde de l'escape, moi je parle vraiment que plutôt de ce monde-là parce que c'est ce que je connais le mieux. On n'est pas dans la même logique, très clairement, mais les résultats montrent que ça marche et que on peut inciter les joueurs à aller acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, à payer en plus pour, par exemple... avoir accès à plus de parties ou débloquer des items, etc. Et là, on joue effectivement sur des biais ou des travers très humains. L'envie de débloquer tous les badges, de collectionner... J'ai pas de nom de biais scientifique en tête, là, tout de suite. Mais en tout cas, oui... Il n'y a pas longtemps, dans une conversation avec Adrien, qui co-anime aussi ce podcast, je râlais sur les modes New Game Plus des jeux vidéo parce que j'avais l'impression que ça venait taper dans des compulsions de complétion de ma part. Et je me disais, on m'a dit que j'avais fini le jeu, et au moment où on me dit que j'ai fini le jeu, en fait, on me dit qu'il faut encore que j'aille chercher des trucs, et je me sens obligé de refaire un jeu que j'ai déjà fait, une histoire que j'ai déjà vécue. Et c'est difficile de résister à cette pulsion-là. Est-ce qu'il y a, si on admet que dans le game design, il y a l'idée de jouer avec le cerveau des gens un peu pour les pousser dans des comportements, est-ce qu'il y a des questions, des problèmes, des réflexions éthiques ? Est-ce que, par exemple, entre concepteurs d'escape, vous vous posez ces questions-là de, OK, où est-ce qu'on se place éthiquement ? Qu'est-ce qui est problématique ? Je ne parle pas dans la gestion de l'entreprise, mais vraiment dans la conception des jeux eux-mêmes. Dans la conception des jeux eux-mêmes, alors il faut savoir que le cercle des game designers d'Escape est un cercle très hétéroclite parce qu'il y a aussi bien des game designers professionnels que des gens qui ont appris sur le tas, et j'en fais partie, que des personnes qui se revendiquent même pas game designer ou game designeuse, mais simplement, on voit encore des Escape aujourd'hui qui font appel à leur game master pour développer des énigmes, travailler sur des bouts de scénario. Donc c'est un petit peu un vaste fourre-tout, même si le milieu commence un petit peu à se structurer. Déjà, je vois assez peu de game designers du secteur discuter entre eux. Chacun travaille un peu dans son coin, et c'est dommage parce qu'on gagnerait à échanger sur les bonnes pratiques. Mais du coup, échanger entre eux sur en plus ce sujet spécifique-là, pour l'instant, j'ai vraiment jamais vu personne l'aborder. Mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Parce que c'est une réalité, et ça serait vraiment intéressant qu'on commence à se pencher effectivement sur ces questions d'éthique. Pas forcément par rapport au biais cognitif, parce que comme je le disais, dans le cadre strict de l'escape game, on ne va pas manipuler des gens en leur disant « le jeu s'arrête si vous ne payez pas 5€ de plus ». Ça, c'est pas quelque chose... on n'est pas dans cette logique-là. En revanche, par exemple, la manière dont les jeux peuvent être utilisés hors cadre de jeu pur, je pense à de la formation, à du recrutement, peut être très biaisé, et c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent on veut recruter des gens avec de l'escape game. Et ça, c'est vraiment sujet à questionnement éthique. Et toi, tu la mettrais où personnellement, cette frontière-là de quelque part le biais cognitif acceptable et le biais cognitif qui passerait du côté obscur. C'est super dur comme question. Est-ce que c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur? C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Non, c'est en fait, il faut se demander toujours quel est l'objectif derrière. Et qui est-ce que l'objectif sert? Est-ce que ça va être en faveur des joueurs? Ou est-ce que ça va être, je reprends l'exemple du recrutement, à quoi ça sert d'utiliser ce type de jeu pour faire un recrutement? Est-ce que c'est pour une meilleure évaluation? Est-ce que c'est parce qu'on a des gens qui sont venus nous voir en demandant des escape games de recrutement, c'était juste parce qu'eux, ça les faisait rigoler. Les joueurs à l'intérieur, ils rigolaient pas du tout. Donc voilà, il y a la question de pourquoi, à qui profite le crime. Mais placer un curseur, j'ai envie de dire, c'est vraiment du cas par cas. Il y a un autre curseur que tu évoquais tout à l'heure dans une autre réponse qui est non pas des limites éthiques mais des limites en termes de frustration, en termes de... Tu parlais tout à l'heure de faire attendre des joueurs et des joueuses sans leur dire que le jeu avait commencé pour leur dire de... voilà. Est-ce que il y a un autre curseur à placer sur ces pratiques-là? Est-ce que toi, dans ta pratique professionnelle, tu distingues la bonne de la mauvaise frustration dans le biais cognitif? Alors, la bonne de la mauvaise frustration, je pense qu'il y a une question de timing là-dedans, en fait, et pas de bonne ou de mauvaise frustration. Mais, et ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque session de jeu et à chaque équipe. Mais il y a, une zone temporelle acceptable. C'est-à-dire que si on résout une énigme trop vite, ça ne va pas être satisfaisant parce qu'on a l'impression que c'est trop facile. Si on met trop de temps pour y arriver, on va aussi être dans de la frustration parce que c'est dur et la dynamique de jeu va avoir tendance à un petit peu ralentir. Donc il faut rester dans cette temporalité-là. Sauf que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut industrialiser. On peut pas donner des indices automatiquement, par exemple, remplacer les Game Masters par des robots, parce que chaque équipe a un fonctionnement qui est différent. Et il y a des équipes qui vont... avoir beaucoup de mal sur telle énigme et puis aller très très vite sur telle autre. Il y en a qui vont avoir une progression lente au début et puis aller de plus en plus vite sur la fin parce qu'il fallait le temps qu'ils se chauffent un peu. Il y en a au contraire qui vont partir sur les chapeaux de roue et puis ensuite ils vont ralentir parce qu'au bout d'un moment ça fatigue un peu. Il y a des groupes qui vont avoir besoin d'être très aidés, très accompagnés parce qu'ils ne connaissent pas forcément les codes de ce type de jeu-là. Des équipes, au contraire, à qui il faudra envoyer des indices vraiment très, très cryptiques, le plus vague possible, parce que finalement, ils auront besoin peut-être juste d'un mot ou deux pour être mis sur la bonne voie et il n'y aura pas besoin de les aider plus que ça. Donc voilà, donc cette bulle d'amusement au milieu de plein de sources de frustration possibles, elle est tellement variable en fonction du public à qui on s'adresse, en fonction du type d'équipe à qui on s'adresse, que on peut pas dire c'est à cet endroit-là sur la carte. Je sais pas si ça a répondu à la question, mais... C'est compliqué, quoi. Voilà. Tu le disais là, en parlant des gens et des différentes façons de jouer, tu as évoqué à plusieurs reprises le fait qu'on pouvait... Il pouvait y avoir un dialogue aussi qui s'instaurait à travers cet usage de biais ou de techniques connues entre la personne qui a conçu le jeu et les personnes qui jouent avec des gens qui connaissent les techniques et les mécaniques aussi. Et puis les bouquins dont tu parlais en début de podcast se positionnaient sur la question de l'autodéfense intellectuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe côté ou qui peut se faire côté joueur aussi, ou justement se familiariser avec un certain nombre de méthodes, de biais? Est-ce que, typiquement toi qui les as étudiées, est-ce que ça a changé tes pratiques en tant que joueuse? Alors en tant que joueuse, je pense que c'est pas tant la connaissance des biais que la connaissance des mécaniques de jeu qui fait qu'aujourd'hui... on peut toujours trouver des énigmes innovantes, géniales, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Mais il y a quand même un certain nombre de types d'énigmes qu'on retrouve de façon très récurrente dans beaucoup de salles. Et je m'ennuie pas pour autant dans des salles avec des mécaniques que je connais. Je suis toujours contente d'avoir des surprises et de tester des nouvelles énigmes auxquelles j'aurais jamais pensé avant. Mais le fait que des joueurs soient habitués à ça ne va pas forcément enlever du plaisir de jeu. Et justement, ça peut être... alors, on n'est pas dans de la défense intellectuelle, parce qu'une fois de plus, là, les biais sont faits pour servir les joueurs et leur apporter un plaisir de jeu. Mais on peut aussi, justement, jouer là-dessus, faire des clins d'œil. L'exemple que je donnais des lettres en rouge qui forment une phrase, où là où on s'attendait à avoir quelque chose d'utile pour le jeu, finalement, on s'est juste fait troller. C'est amusant, ça fait sourire et ça permet de créer un lien encore, un espèce de c'est comme un espèce de clin d'œil méta entre le concepteur du jeu et le joueur. Et c'est des choses à côté desquelles des personnes moins aguerries vont passer à côté, mais voilà, pour des joueurs qui ont plus d'expérience, ça fait sourire et c'est amusant. Mais je crois pas qu'il faille se défendre des biais qu'on utilise dans les jeux comme ça, parce que ils sont là pour contribuer au plaisir du jeu. Finalement, essayer de lutter contre ça, c'est comme aller voir un spectacle de magie et se dire je connais tous les trucs. Bah, c'est intéressant, mais on perd aussi un peu de la magie au passage. Donc, est-ce que si on venait à étudier la psychologie cognitive à fond pour vraiment reformuler et aller au fond de ce que tu viens de dire, est-ce qu'on se risque de se gâcher nos escape games, ou est-ce que à la manière de finalement de personnes qui vont avoir étudié les formes et le style de la littérature, ça en vient à apprécier d'autant mieux les bons bouquins? Je pense que ça modifie la façon dont on peut percevoir effectivement les jeux, très clairement. Après, alors là je peux parler que en mon nom propre, parce que j'ai jamais questionné personne sur cette thématique là, mais ça serait intéressant de le faire et je demanderai à mon entourage maintenant. Mais moi je sais que quand je vais jouer à une salle, y a un petit côté un petit peu schizo. Parce qu'il y a la moi conceptrice qui va avoir l'œil sur tous les détails et qui va dire, là, il y a une bonne mécanique de jeu, là, c'est malin ce qu'ils ont fait, ah, là, c'est bien intégré. Et puis, il y a la moi joueuse qui essaye de mettre toute cette déformation professionnelle de côté pour juste prendre plaisir à jouer et vraiment, en tant que joueuse tout à fait lambda, et apprécier l'expérience. Et ça m'est arrivé d'aller dans des salles où je percevais très clairement que tiens, telle mécanique là, c'est un peu tiré par les cheveux, tiens là, ok, petit défaut de conception, et à côté de ça il y avait d'autres éléments qui faisaient que l'expérience était quand même géniale. Et donc je pense que c'est comme être réalisateur et puis aller au ciné quoi, ou être auteur et lire un livre, on peut remarquer des choses, on va avoir un œil, forcément une grille de lecture différente d'une personne lambda, ça nous empêche pas d'apprécier pour autant. La conférence dont on parlait en début de podcast, tu l'as faite en juin, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. J'imagine que ça fait un peu de rafraîchissement sur ces thématiques-là, et notamment depuis que tu as commencé toi-même à faire de la conception de jeu. Est-ce que ça a fait tilter des trucs dans ta tête en replongeant le nez dans ces thématiques-là et en mettant ça en regard avec la pratique que tu as développée depuis plusieurs années de conception de jeu? Est-ce que ça a fait cliquer des trucs en disant « Ah oui, c'est vrai que ça correspond à tel truc, je ne comprenais pas pourquoi ça marchait, mais en fait c'est logique. » Ou au contraire, « Hey, je pourrais approcher tel problème par cette manière-là et ça te donnerait des trucs intéressants. » Alors, je pense que j'ai pas fait de lien conscient entre mon travail de conception de jeu et cette conférence sur les biais cognitifs. Mais le fait qu'on en parle maintenant, ça me donne plein d'idées. et en revanche, il faut que j'en dise un petit peu plus sur la conférence en elle-même. Oui. C'est une conférence qu'on a menée à trois. J'étais accompagnée d'un comédien mentaliste prestidigitateur et d'un coach en communication, en innovation au sein des entreprises. Et donc à nous trois, on a essayé vraiment de se compléter, mais c'était surtout une conférence interactive dans le sens où on a voulu jouer avec le public et on a fait en sorte que le public expérimente lui-même les biais dont on parlait. Pour donner un exemple un peu plus concret, en fait, la conférence s'est déroulée en deux parties. Pendant la première moitié, on a déroulé de façon assez formelle un certain nombre d'études qui montraient, qui listaient tel biais existe, etc. Mais on a aussi fait participer le public à certaines petites expérimentations. Et puis en fait, dans une deuxième partie, on a passé en revue tout ce qu'on a dit. Et là, on a montré au public qu'il s'était fait avoir parce que sur certains plans, on les avait justement biaisés, on avait utilisé tel ou tel biais cognitif pour les mettre en lumière. Et c'était très intéressant parce que la conception même de cette conférence, il y avait une part de ludique dedans. Il y avait un côté très expérimental aussi parce qu'il y a des choses qu'on a testées sur place, on ne savait pas si ça marcherait. On a eu de la chance, ça a fonctionné plutôt pas mal. Faudrait voir si on reproduit ça maintenant. Mais c'est vrai que c'était assez amusant parce qu'il y avait ce côté, on n'est pas dans du cours magistral, on est vraiment dans une interaction avec le public et on le fait participer comme si c'était des joueurs. Alors moi, dans les biais cognitifs, il y en a un qui me passionne et je ne sais pas comment, si et comment il peut s'utiliser ludiquement. C'est l'effet Barnum. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Et je ne sais pas si toi, tu as des pistes de comment ça peut s'utiliser, notamment dans le cadre d'un escape, parce que, comme tu vas le décrire, il a quelque chose qui tient pas mal à la position de rôle et de comment on s'identifie soi-même. Mmh. Alors, l'effet Barnum, en quelques mots, je vais donner un exemple très simple, je pense, qui va parler à tout le monde. C'est l'horoscope. L'effet Barnum, c'est donner une description suffisamment vague pour que n'importe qui puisse se retrouver dedans. Je ne l'ai pas là maintenant, mais je pourrais vous donner un exemple de texte qui dit « Vous êtes ceci, vous êtes cela, et puis vous êtes très courageux, mais de temps en temps, quand même, vous avez de la sensibilité et quelques faiblesses. » Bah oui, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Et c'est quelque chose qui peut être utilisé dans les horoscopes. Je prends un exemple, les horoscopes de radio qui sont vraiment écrits en général par les stagiaires qui vont glisser 2-3 mots dedans. On fait des grosses généralités et effectivement l'idée c'est que n'importe qui puisse s'identifier. Cet effet Barnum, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre de jeu? Je pense que dans du jeu de rôle ça aurait tout à fait sa place. Dans de l'escape game, tout dépend de la façon dont c'est écrit. De toute façon, moi, je milite pour des jeux hybrides à la croisée. Enfin, qu'on arrête de mettre les jeux dans des cases. Et donc, typiquement, le croisement du jeu de rôle et de l'escape game, du jeu de rôle grandeur nature et de l'escape game. Oui, l'effet Barnum pourrait tout à fait avoir sa place là-dedans, dans la manière dont les joueurs peuvent incarner des personnages, dont les game masters peuvent incarner des personnages. Il y a des choses très intéressantes à creuser. Et est-ce que, c'est un peu le corollaire de cette question de Manuel, est-ce qu'il y a un biais cognitif que tu aimerais voir plus souvent utilisé dans les escapes ou dans les jeux en général? Et est-ce qu'il y a un biais cognitif que toi, tu aimerais plus employer peut-être sans non plus nous faire de révélations ou de fausses promesses? Mais en tout cas, par quel prisme et par quel autre biais pas assez utilisé à ton goût on pourrait faire de nouvelles expériences? Alors je pense qu'aujourd'hui ce qui est le plus utilisé et une fois de plus c'est très souvent inconscient hein, c'est tous les biais qui portent sur l'attention parce que finalement c'est très simple de détourner l'attention des joueurs. Moi je trouve que ce qui serait intéressant de creuser ça sera possible de plus en plus avec le développement justement de jeux hybrides, c'est tout ce qui concerne les choix moraux où là on est plus dans des choix moraux ou en tout cas tout ce qui implique des prises de décision qui vont avoir un effet derrière et je pense par exemple à une technique de manipulation qu'on utilise beaucoup en vente qui s'appelle le pied dans la porte. Donc le principe du pied dans la porte, c'est vous allez dans une boutique pour essayer des costumes, pour regarder des costumes, et le vendeur va vous dire « Non mais essayez-le, ça n'engage à rien. » Et en fait, si, les études très sérieuses montrent que si ne serait-ce qu'essayer, juste enfiler cette veste, ça augmente la proportion, la chance de l'acheter. Voilà, le pied dans la porte, c'est le fait qu'une petite action qui a l'air complètement anodine et n'engage à rien, en fait, va renforcer la probabilité qu'ensuite on réalise une action plus engageante, plus importante. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler dans le jeu. Là, ça peut être délicat éthiquement, parce que le pied dans la porte, bah oui, ça peut être utilisé pour faire à des gens des choses qu'ils ne veulent pas forcément. Dans le cadre d'un jeu, ça peut être très intéressant parce que si on part sur un jeu avec des fins multiples, justement, inciter les joueurs à prendre telle ou telle décision et ensuite en débriefer avec eux derrière, justement. Vous retrouvez, je ne sais pas, dans un scénario de fin du monde et puis vous devez sacrifier un des membres de votre équipe. Ce genre de choses. Bien, on arrive doucement aux trois quarts d'heure, donc l'heure de podcast arrive presque. Du coup, avant de passer à la question de fin d'épisode, dont on pose la même à tous nos invités, je voulais d'abord te demander si tu avais quelque chose à rajouter auquel on n'aurait pas pensé et que tu voulais rajouter sur ce sujet du game design et des biais cognitifs. Alors, quelque chose à ajouter. Je pense que c'est le lien entre ces deux sujets va sans doute prendre de l'importance dans les années qui viennent parce que, comme je le disais, on est passé d'un jeu très brut au départ, code cadenas, à des choses de plus en plus fines, que ce soit au niveau de la narration, au niveau de la scénographie, etc. Et donc commencer à jouer sur des mécanismes cognitifs, On va forcément tendre vers ça aussi parce qu'on est dans de la conception d'expérience et on doit prendre en compte le fonctionnement cognitif des personnes à qui on s'adresse. Ça me paraît évident. Donc à mon avis, on n'en est qu'au début et je pense que le sujet de ce podcast est très précurseur. Merci. Bien, du coup, comme promis, comme prévu, on va passer à la question de fin, donc, qui est une question qui, je le rappelle pour nos auditeurs et auditrices aussi, qui est la même question pour toutes et tous nos invités, quel que soit le sujet. Donc, qui n'a pas forcément de lien direct, quoique souvent on a des surprises. Donc, cette question, de quelle façon pourrais-tu t'y prendre pour convaincre à des proches de jouer ? Alors, de jouer à quoi ? Ça, c'est à toi de nous dire. Si je dois convaincre mes proches, je leur dirais « C'est moi qui l'ai fait, venez essayer. » Mais sinon, après, convaincre des proches de jouer. Des proches, forcément ? Des proches ou des connaissances. Des connaissances. Ça dépend vraiment des gens parce qu'en fait j'ai des connaissances qui aiment jouer donc eux ça sera pas très compliqué de les convaincre en vrai. Je pense que j'ai juste à leur dire hey, j'ai testé ça, c'est vachement bien, venez essayer aussi. Des gens qui sont moins enclins à jouer de base, peut-être plus mettre l'accent sur tout ce que ça pourra leur rapporter de positif comme expérience. C'est venez, j'ai un jeu qui va vous permettre de passer un moment très drôle. Parce que s'amuser, c'est fun, c'est toujours un argument très vendeur. Ça peut être aussi, on va passer un moment tous ensemble. Ça peut être... Je pense à mes parents qui sont pas joueurs du tout et que c'est pas évident du coup justement de faire jouer. Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme argument ? De toute façon, c'est moi qui ai les clés de la porte. Aussi, oui, ça marche plutôt pas mal. Pour une conceptrice d'escape, ça me paraît pas complètement incohérent. Merci beaucoup Clémence Guédan pour avoir répondu à nos questions. Ça, bah, voilà, on a discuté pendant un bon trois quarts d'heure de tous ces sujets-là. J'imagine qu'on sera amené à en reparler, si c'est précurseur. On sera forcément amené à en reparler à un moment ou à un autre. On espère que ça a fait remuer vos petits cerveaux. On a planqué 5 biais dans cet épisode. On ne vous dit pas lesquels, on vous laisse chercher maintenant, vous qui nous avez écoutés. En attendant, on espère que ça vous a bien fait réfléchir, que ça vous donne des idées. Si ça vous inspire des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Si vous avez bien aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à le dire aussi, à partager cet épisode et éventuellement à nous mettre des commentaires dans les dents ou des étoiles dans les yeux, comme disent les gens d'Arte Radio, ou alors piquer leur super tagline. Ils font bien le travail. Et puis si vraiment ça vous plaît beaucoup, ou alors si vous êtes riche, ou alors si vous avez envie, c'est possible aussi. On a un Tipeee avec Studio Dilettante, la structure qui porte l'udologie, et vous pouvez nous envoyer un peu des sous. Ça nous aidera à toujours améliorer le matériel, à aller toujours plus haut, plus fort, plus loin pour interviewer des invités toujours plus incroyables les uns et les unes que les autres. Et en plus, on vous en sera très reconnaissant, donc c'est doublement gagnant quand même. Merci à vous. C'était le début de saison. De saison 6 de Ludologie déjà. Si vous n'avez pas écouté les saisons précédentes, rattrapez-vous vite parce que là maintenant ça va arriver tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année. Et puis à nouveau, merci Clémence. Et on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, n'oubliez pas de jouer. Pour soutenir ce podcast et l'asso qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.